vous comprenez, j'ai vécu dans une période vraiment dans le trouble, l'occupation allemande, tout ça. C'était... Eh bien, la musique, c'était pour moi, pour mes parents, c'était extraordinaire, parce qu'on ne pouvait pas sortir de camp, hein, tout était entouré de barbelés et tout, impossible d'aller dans la mer, impossible de tout. Alors on allait chez des amis, et le dimanche, il y avait des séances de quatuor. Des amis qui se réunissaient, piano, violoncelle, violon, et puis alors, moi j'allais avec mes parents, tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre. Et dans ces années-là, votre seule écoute de la musique, c'était des concerts à domicile, en quelque sorte. Ah non, il y avait quelques concerts qui n'étaient pas à domicile, au théâtre, mais à domicile, il y avait de la musique de chambre, c'était. Et il y avait de la musique à la radio. Ah, il y avait de la musique à la radio. Ah, si, oui. Et des disques aussi, des disques, beaucoup de disques qu'on a enterrés avant le débarquement et qu'on a retrouvé. Ah bon ? Surtout du jazz, parce que mon père... Vous avez enterré du jazz ? Comment ? Vous avez enterré du jazz ? Dans une lessiveuse, dans le jardin. Et mon père, j'ai tous ces disques-là, on les a tous, mais c'était 78 tours. C'est la collection Swing. Dans une lessiveuse ? Comment ? Dans une lessiveuse ? Oui, on les a enregistrés, on les a enterrés. Les lessiveuses, vous savez ce que c'est, les lessiveuses ? C'est des grands bacs comme ça quand on faisait la lessive autrefois. Alors on les a tous entourés, et puis on les a mis là-dedans, et on les a mis dans le jardin, puis après, ils ont été recouverts de décombres, puisque la maison était détruite. Mais on les a tous retrouvés, je les ai au bord de la mer, dans une maison. On a des vieux disques de Duke Ellington, de Joker Reinhardt, de Stéphane Crapelli, tous ces disques-là. Et c'était la seule chose qu'on enterrait, les disques ? Non, il y avait le vieux Calvados. 1893. Du Calvados de 1893 ? Oui, qui est enterré avec les disques, oui. Que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails. La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. On dit que la musique a des effets sur le cerveau. Et comme on dit beaucoup de choses sur les effets de la musique sur le cerveau, on se doute qu'il doit y avoir beaucoup à redire. Parce qu'une fois qu'on dit des choses comme ça, on est loin d'avoir tout dit. Il reste à savoir si la musique a vraiment le même effet sur tous les cerveaux, si le plaisir pris à la musique est le même pour un musicien ou pour un auditeur moins avisé, si Mozart fait vraiment plus d'effet que les autres musiciens, et si les neuroscientifiques sont vraiment plus qualifiés pour nous éclairer que, par exemple, les psychologues. Pour circuler au cours de toutes ces questions sur les mécanismes associés au plaisir musical, nous recevons aujourd'hui un seul invité, Bernard Le Chevalier, professeur de neurologie, membre de l'Académie nationale de médecine, mais aussi organiste titulaire de l'église Saint-Pierre de Caen. Il signe en 2019, à l'âge de 90 ans, L'essai Le plaisir de la musique aux éditions Odile Jacob, un ouvrage dans lequel il cherche justement à faire le pont entre la psychologie de la musique et les neurosciences. Bernard Le Chevalier, vous Vous avez donc cette approche neuropsychologique de la musique qui permet de faire le point sur un certain nombre de connaissances qui circulent sur le sujet. D'abord, je voudrais savoir si cette histoire de dopamine dans le cerveau, c'est un mythe ou une réalité. Enfin, je me doute que c'est un peu une réalité, mais c'est quand même pas l'alpha et l'oméga de ce qui se passe dans le cerveau quand on écoute de la musique. Vous avez tout à fait raison, parce que votre question recèle, on pourrait dire, la réponse. Alors, je précise les deux, la question et la réponse. Ben, la question, c'est que ce livre-là est un livre qui est à cheval, si vous voulez, sur les neurosciences et sur ce qu'on pourrait appeler un peu l'esthétique ou la psychologie. Et c'est ça, elle a été la difficulté. Mais nous avons un éditeur qui tient beaucoup à cet équilibre entre les neurosciences et puis un petit peu l'aspect, si vous voulez, psychologique de la musique. Alors, donc les neurosciences, ben, moi, je ne suis pas neurochimiste, mais maintenant, c'est très connu qu'il y a un circuit de la récompense et du plaisir, et qui a comme support, si vous voulez, la dopamine. Bon, la dopamine, c'est un neurotransmetteur dont on connaît maintenant très très bien le site de sécrétion, qui est impliqué dans la maladie de Parkinson, du reste. Et cette dopamine, on dit que c'est... Enfin, je crois, les scientifiques qui ont découvert ça, que c'est l'hormone du plaisir. La dopamine et l'ocytocine, il n'y a pas que la dopamine. Alors, de tout plaisir, j'ai essayé de montrer dans ce livre que les plaisirs n'étaient toujours pas des plaisirs honorables, si vous voulez, qu'il y avait toutes sortes de plaisirs, même des plaisirs qui sont pas très correct, mais enfin, c'est toujours la dopamine qui donne une impression de plaisir. Voilà. Alors, ça, c'est, si vous voulez, c'est un fait scientifique. Mais ça n'a aucun rapport, si vous voulez, dans cette base scientifique, ça n'a pas de rapport avec la psychologie de la musique. C'est comme si vous me disiez que l'église de Notre-Dame de Paris, elle est belle parce qu'il y a des belles pierres dedans, quoi. C'est ça, si vous voulez. D'accord. Donc c'est-à-dire c'est deux plans différents. Ça ne fait pas tout... Deux niveaux différents. C'est-à-dire que la musique donne plusieurs types de plaisir. Ah ben, bien sûr, oui. Alors, ce que j'ai préparé, vous avez tout à fait raison de commencer par la dopamine, parce que si. Bon, mais il y a plusieurs types de plaisirs. Et ce que j'ai essayé de montrer dans le livre, en partant justement des travaux de psychologie, c'est qu'il y a sûrement un plaisir formel et un plaisir associatif. Dans le premier chapitre, j'ai évoqué un auteur que je trouve qui a vraiment fait du très bon travail, là. Léonard Bimeyer. Voilà, et qui montre le plaisir formel et le plaisir, disons, associatif. Le plaisir formel, moi, je suis partisan. Je pense qu'actuellement, on ne tient pas assez compte du plaisir formel. Par exemple, quand vous entendez un adagio de concerto de Mozart, ou quand vous entendez un quatuor de Beethoven, il y a quand même un plaisir formel, et je pense que les gens ne sont pas suffisamment éduqués pour trouver le plaisir formel de la musique. Mais c'est quoi, le plaisir formel? Le plaisir formel, c'est par exemple... Je prends un exemple caricatural. Une fugue de Bach. Bon, une fugue de Bach, vous avez quand vous entendez une fugue de Bach, vous entendez les entrées des voix. Vous suivez les tonalités, vous voyez comment elle est construite. De même que quand vous entrez dans une cathédrale, je prends un exemple toujours, vous voyez comment elle est construite, les arches, les étages, etc. Et l'ensemble, c'est, vous voyez les différentes parties qui constituent le tout. Thank you. Alors, ce que nous explique Léonard Bimeyer, qui lui est psychologue et n'est absolument pas neurobiologiste, c'est que l'anticipation de cette forme nous fait plaisir. Est-ce que ce plaisir-là, on peut le pister dans le cerveau ? Ah oui, oui, on peut pister le plaisir dans le cerveau. C'est, alors, vous parliez de la dopamine, alors je reviens à l'aspect... C'est comme dans Molière, vous savez, je suis à la fois le cocher et le cuisinier, alors... Il y a une pièce comme ça. Bon, alors là, je deviens le neuroscientiste. Alors donc, oui, il y a la boucle mésocortico-limbique, ça s'appelle la boucle mésocortico-limbique. Il y a pratiquement la dopamine, elle est dans deux circuits. Elle est dans un circuit qui gère la motricité. C'est le circuit qui est en défaut dans la maladie de Parkinson, ça c'est une chose, et qui se traite par la dopamine. Hein. Et puis à côté de ça, vous avez un autre circuit qu'on appelle le circuit mésocortico-limbique, où vous avez un réseau qui part de la gestion de la dopamine et qui va vers le cortex, vers premièrement les noyaux de la base, noyaux amygdaliens, c'est le deuxième niveau. Premier niveau, c'est la sécrétion, le deuxième, c'est les noyaux de la base du cerveau, noyaux amygdaliens, et puis le troisième niveau, c'est le cortex frontal. Le cortex préfrontal, tout à fait en avant, là, a des parties qui gèrent le plaisir en général. Mais ce que j'ai bien montré, c'est que l'émotion musicale, elle partage les caractéristiques des autres émotions, mais elle n'a pas de spécificité. C'est la même émotion que vous voyez un tableau de Léonard de Vinci ou vous entendiez un concerto de Mozart. C'est la même émotion. Il n'y a pas, si vous voulez, un réseau spécial à la musique. C'est la même émotion. Mais alors, est-ce que ça fait la même chose dans le cerveau qu'un plaisir un peu immédiat d'une dopamine qui se déclenche et le plaisir d'un autre ordre, celui formel que vous désignez en reprenant les mots de Léonard Bimeyer, à savoir celui d'admirer l'élégance d'un agencement de différentes voix dans une fugue de Bach? Ce sont les mêmes réseaux, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est la même chose, mais ça utilise les mêmes réseaux, voilà. Je crois qu'on peut conclure comme ça, que les réseaux utilisés sont les mêmes, mais ce qu'ils véhiculent ne sont pas la même chose. Vous avez un passage du livre, Bernard Le Chevalier, qui consiste à montrer que la vibration qu'on peut ressentir, par exemple, en s'approchant d'un instrument de musique, n'a pas grand-chose à voir avec le plaisir musical. C'est une espèce de truc physiologique à l'état pur. Oui, moi, je vais vous dire. J'ai comme principe, je peux dire ça, à raisonner en partant des faits. C'est parce que je suis médecin et que j'ai vu beaucoup de malades. Je ne suis pas didacticien, je ne parle pas des théories pour en déduire des choses, je parle des faits pour essayer de remonter et partir des faits. Alors, quand on écoute de la musique, alors j'ai surtout discuté la question qu'on appelle le frisson. Vous avez vu ça. Le frisson, ça a été beaucoup étudié. Il y a des auteurs, notamment suédois, qui ont fait des travaux magnifiques sur le frisson. Et bon, alors quand on entend quelque chose qui vous émeut beaucoup en musique, ça n'est pas nécessairement du bruit, ça n'est pas nécessairement tonitruant. Moi, je fais de l'orgue. Alors j'ai des chorales de Bach que je trouvais admirablement, et surtout moi j'aime beaucoup Mozart. Les mouvements lents des concertos de piano de Mozart sont admirables. Et là, on peut ressentir un frisson, même si on est tranquillement assis chez soi, que ce soit très doux. Alors actuellement, je sais bien qu'actuellement, on est en train de faire des théories pour dire quand c'est très fort, comme les baffles qu'il y a quand il y a 10 000 personnes dans un stade ou quoi, ça, on peut ressentir des choses physiques. On peut ressentir des choses physiques, mais d'accord, c'est comme un tuyau d'orgue, quand le son est émis, il y a un souffle là, mais ce n'est pas le souffle qui fait le son, c'est un événement. Mais tout passe par le tympan. Tout passe par le tympan, par le cerveau. Alors, j'ai lu dans la part d'un philosophe connu et très éminent, que je respecte beaucoup, que tout vibre, l'air vibre. Alors, quand on est emmitouflé dans la salle de concert, à ce moment-là, comment est-ce qu'on pourrait ressentir des choses dans la peau, puisqu'on a des habits, etc. Les auditeurs ne sont pas tout nus dans les salles de concert, ils sont habillés. Vous voulez dire qu'il faudrait qu'ils soient tout nus pour pouvoir ressentir les vibrations De la peau, oui. Dont parle Francis Wolff, c'est le philosophe que vous visez. Encore une fois, je ne veux pas du tout critiquer ce philosophe éminent, mais c'est une théorie extrêmement simpliste. Alors, il y a une autre chose que vous lui reprochez, c'est de dire que le plein chant est une musique oui. sans rythme. Alors voilà, je pense, écoutez, moi j'aime beaucoup la philosophie, j'ai eu un professeur de philosophie admirable, j'ai fait philo lettres, je lis de la philosophie, j'aime beaucoup Husserl, j'aime beaucoup Bergson, mais il est très tranché pour un philosophe. Il est très, j'aime beaucoup les méditations métaphysiques je lis tout ça, mais les philosophes, ce sont des gens nuancés. Et comment dire que le plein chant n'est pas rythmé, c'est ridicule, puisque le plein chant, c'est, puis il faut voir ce qu'a écrit Olivier Messiaen, que j'admire, qui montre que le plein chant, c'est une source de rythme qui est basée sur notre propre rythme. Alors, il y a une distinction que fait Messiaen, et d'ailleurs que reprend oui. Une de vos collègues, Isabelle Peretz, fait la différence entre le maître et le rythme. Elle a parfaitement raison, j'admire beaucoup ça. Alors, je vais vous expliquer, attendez, là vous me posez deux questions. Vous me dites que le plein chant, puis après, on va parler après d'Isabelle Peretz, que j'aime beaucoup, c'est une amie à moi. Bon, alors le plein chant. Quand j'étais jeune organiste, j'accompagnais les messes, j'accompagnais le plein chant. Bon. Et par des gens qui ne chantaient pas. Mais dans le plein chant, vous avez des montées et des descentes. Hein, et c'est basé sur la respiration. Et le rythme du plein chant, c'est un rythme vocal. C'est fait pour être chanté par des moines qui chantaient, mais les moines, ils ne pouvaient pas chanter sans se respirer. Et vous avez ta la la la la la. Il y a un rythme vocal du plein chant. C'est un rythme pas particulier, mais c'est un rythme quand même. Et Messiaen en a fait une des sources du rythme de la musique moderne dans son livre. Messiaen a fait un livre sur le rythme, c'est un volume, je crois, je l'ai vu à la Bibliothèque nationale. Il pense qu'un des rythmes, c'est un des sources du rythme, c'est le plein chant. Alors de voir que le plein chant c'est une musique sans rythme, moi ça m'a fait bondir. Voyez-vous. Alors deuxièmement, Isabelle Peretz. Alors elle a parfaitement raison parce que ça c'est confirmé par les faits scientifiques. Isabelle Peretz a distingué le rythme et le maître. Alors le maître, c'est un mot bizarre, c'est difficile, le mouvement. Mais il y a c'est ennuyeux parce que le mot mouvement s'apprête à confusion. Dans une symphonie, vous avez trois mouvements. Ou dans une sonate, vous avez trois mouvements. Alors, si vous jouez presto, c'est un mouvement presto. Si vous jouez adagio, c'est... Alors, c'est pour ça que le mot maître est un bon terme, s'il semble un peu bizarre. Le rythme, qu'est-ce que c'est ? Le rythme, c'est de savoir les différences de durée. C'est ça, c'est basique. Et le maître, c'est holistique. Si par exemple, vous avez un mouvement de valse. C'est le maître à trois temps. Vous avez par exemple, un 6-8. Le 6-8, c'est un mouvement spécial. Et ça, c'est une façon d'apprécier qui est dans l'hémisphère cérébral droit. Elle l'a montré, et puis nous, on l'a montré aussi par la pathologie, parce qu'on a eu des patients qui avaient perdu le sens de l'un et qui conservaient le sens de l'autre. Tandis que le rythme, eh ben, c'est de pouvoir dire, percevoir des figures rythmiques. Et là, c'est l'hémisphère cérébral gauche. Si vous avez pa pa pa pa, ça c'est du rythme. Si vous avez ti la di la di la di la la, ça c'est du maître. Et donc ça allume pas le même côté du cerveau. Non. Et alors ça a été prouvé par mon élève qui est maintenant un professeur d'université, qui est Hervé Platel, dans un travail qui a été publié en Angleterre bien sûr, dans la revue Brain. Il a montré ça j'ai fait ça avec lui. Enfin ou plutôt il a fait ça avec moi sur des étudiants qui n'étaient pas du tout musiciens. On leur a fait entendre. Je rapporte encore. Vous avez utilisé une caméra à positon. Comment on fait pour démontrer ce genre de choses? C'est difficile bien sûr, mais on a un centre d'informatique très important qui s'appelle le centre Cicéron. Le centre Cyclotron, Cicéron, c'est Cyclotron, usage médical. Et ce centre-là, au début, il était question qu'on travaille avec eux. Puis alors, ils ont été extraordinaires parce que les gens de Saclay, là, nous ont permis d'avoir à l'hôpital une caméra positon. Et bien, la caméra positon, c'est un appareil qui est destiné à voir la radioactivité d'un corps que vous introduisez dans la circulation, hein, c'est pas difficile, et de savoir ce que le corps devient dans le cerveau. Alors, c'est assez fantastique parce que maintenant, ça continue à être utilisé dans un domaine qui n'est pas la musique, mais pour les cancers, pour détecter les métastases et tout ça. L'intuition vous est venue d'un patient de Mavlov en 1980 qui était violoniste, atteint d'un infarctus cérébral temporopariétal gauche et qui ne pouvait plus faire les rythmes alors qu'il continuait à identifier les notes de musique et les hauteurs. Mavlov, c'est ça. Oui. Alors, dans ces amusies-là, ce qui est très important, c'est que la pathologie nous a appris comment fonctionnait le cerveau. C'est presque tout le temps comme ça. Vous savez, l'aphasie, c'était découvert à Broca, parce que Broca, le grand médecin du neurologue à l'hôpital de Bicêtre, il a eu un malade qui ne pouvait plus dire que tant. Et quand le malade est décédé, il a constaté qu'il y avait une grosse lésion dans l'hémisphère gauche. On part. C'est pour ça que ce n'est pas déductif, c'est inductif, voyez-vous. La recherche médicale, elle part des faits. Le Chevalier, on a parlé à l'instant de Broca, c'est un nom qui revient beaucoup dans votre ouvrage, puisque c'est un des premiers qui a fait des découvertes comme ça, où certaines pertes de moyens langagiers pouvaient être associées à des problèmes neurologiques qui étaient localisables. Est-ce à dire que cette manière de localiser le langage dans le cerveau nous a appris que la musique s'adressait à d'autres endroits? Eh bien oui, c'est votre question très pertinente. Alors Broca, ce qui est intéressant pour la petite histoire, c'est qu'il a fait sa découverte la même année que Wagner a donné Tannhäuser à Paris en 1861. Presque un mois, différence entre les deux. Alors donc, Broca, il était chirurgien à l'hôpital de Bicêtre. Et il était jeune chirurgien, et il a eu dans son service, il a eu un malade qui ne pouvait dire que tant. On l'appelait tant, il avait perdu le langage, et puis ce malade, vous savez, autrefois les maladies infectieuses, on en mourait vite. Hein. Alors ce malade est mort, et il a fait l'autopsie. C'était comme ça qu'on faisait avancer les choses. Et donc l'autopsie a montré qu'il y avait une grosse lésion dans l'hémisphère gauche, et on a conclu que le langage était situé dans l'hémisphère gauche. Ça n'a jamais été infirmé. Il n'y a pas de langage dans l'hémisphère droit, sauf peut-être le langage poétique. Le langage poétique, c'est pas tout à fait du langage, c'est un peu plutôt de la musique. Alors, par contre, il y a quelqu'un dont vous connaissez le nom, mais dont vous ne connaissez pas le prénom. Alors, quel est... Alors le prénom, Proust. C'est Adrien. Voilà, bravo. Et le nom, c'est Proust. Voilà. C'est le père, en fait. C'est le père. Oui. Alors, le père, il a mauvaise réputation parce qu'il est devenu un monsieur très honorable et tout ça, et très grand patron, mais on oublie souvent qu'il a fait des choses très... Avec son fils, il n'a pas été toujours très bien, il était même pas du tout. Mais il a fait, au point de vue, il avait de l'intuition, et il a montré qu'il y avait des malades aphasiques, c'est-à-dire qui avaient perdu le langage et qui continuaient à jouer du piano, à composer et tout ça. Et il a conclu que c'était pas si, que ça tenait pas, que la musique n'était pas située dans la même région que le langage. Et ça a été confirmé. Mais alors, ce qui est maintenant, si vous voulez, la troisième chose, c'est qu'on sait que la musique, elle est traitée aussi bien par l'hémisphère droit que par l'hémisphère gauche, mais en priorité par l'hémisphère droit. Alors que le langage, pour l'instant, ben, il est tout de même, c'est tout de même du l'hémisphère gauche, le langage. Alors, la partie antérieure du cerveau, c'est la partie motrice du cerveau. Hein, et la partie postérieure du cerveau, l'aire de Wernicke, c'est le langage. On pourrait presque dire d'une façon caricaturale que la parole, c'est plutôt du côté de Broca, et le langage, c'est-à-dire la conception de la langue, c'est plutôt quand même Wernicke, c'est-à-dire temporal postérieur et pariétal. Oui. Au-delà de l'anecdote, quelle valeur il faut donner à la synchronie que vous releviez tout à l'heure entre la découverte de Broca et Tannhauser à Paris en 1861? Pour vous, ça a quel sens? C'est parce que je suis hétérologue et musicien. C'est juste parce que vous êtes wagnérien au passage? Non, parce que je pense qu'il y a eu une période extraordinaire en France. Là. Vous savez, et puis il y a eu Baudelaire. Alors, c'est que Baudelaire était un grand admirateur de Wagner. Vous y avez consacré un livre? J'ai consacré un livre. Ceci dit, j'aime la musique de Wagner, mais je n'aime pas le bonhomme. L'un de vos collègues, Bernard Le Chevalier, qui s'appelle Jean-Pierre Changeux, disait « Le cerveau projette des projections mentales sur une réalité extérieure intrinsèquement dépourvue de sens, par exemple la musique. » Est-ce que ça veut dire que faire du cerveau le sujet, c'est faire de la personne, du sujet, un suiveur de son cerveau? C'est le cerveau qui commande? Ça, c'est vraiment très, très subtil, parce que le faire de la personne un suiveur de son cerveau, ça a l'air de dire qu'il y a d'un côté la personne et de l'autre côté le cerveau. Parce que si on est le suiveur de quelque chose ou de quelqu'un, c'est qu'il y en a deux. Oui, mais par exemple, quand un neurologue nous dit « votre cerveau fait ci, fait ça », c'est comme s'il le dissociait de notre personne. C'est une façon de s'exprimer. C'est vrai, mais bizarre. C'est une façon de s'exprimer. c'est une façon de parler, parce que alors c'est un peu dangereux, parce que vous savez qu'on arrive, on revient à la fameuse discussion du dualisme cartésien. Mais ceci dit, moi je trouve que Descartes, il a eu énormément de mérite, hein, parce qu'il faut voir un peu. Et pour ça que je vous parlais des méditations métaphysiques, et où il écrit dans la sixième, la conscience et l'esprit et la matière sont aussi liés, même plus encore, qu'un pilote dans son navire. Je ne sais pas si vous connaissez cette... Le présupposé, c'est que le pilote, il peut changer de navire sans être trop atteint. Le pilote est lié à son navire, alors ça veut dire que je ne vois pas ce que vous voulez dire. Le pilote peut changer... Peut changer de navire, c'est-à-dire qu'il y a quand même dans l'idée de Descartes qu'une âme peut changer de corps. Ben oui, il est lié, hein. oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il a séparé l'âme et le corps, en disant bien que l'âme c'est l'esprit, mais comme vous dites, l'un peut jouer sur l'autre, d'ailleurs il le dit quand nous mangeons, quand nous sentons, c'est le corps, mais on le sent aussi, voyez-vous, c'est... Alors, moi, je trouve qu'on a beaucoup... On a été trop... J'en veux à Damasio, qui est pourtant quelqu'un que j'estime, et il a écrit « L'erreur de Descartes ». Et je m'excuse, mais c'est invraisemblable de dire une chose pareille. Mais il fallait voir où étaient les sciences en se disant « Descartes hein. ». Vous savez ce qu'il faisait comme profession, Descartes? Il était soldat. Hein. C'était son métier d'être soldat. C'était pas du tout au début un bonhomme qui était dans son bureau en train de bosser. Il était soldat. Il était baroudeur et tout. Hein. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut retenir des histoires? Parce que c'est une question que... Bah, alors, celle que raconte la musique à programme, c'est un développement que vous avez dans votre livre. Oui, parce que ça pose une question, c'est est-ce qu'il faut écouter l'histoire que ça nous raconte ou prendre du plaisir à la musique? Comme si les deux n'étaient... Avec l'autre, non, mais c'est quand même deux choses différentes. Bah, c'est-à-dire que l'histoire, quand la musique à programme, c'est affiché, premièrement. L'auteur a voulu faire ça, hein. On va prendre un exemple qui est très vulgaire, la danse macabre de Saint-Saëns. Hein, ça se joue dans le monde entier, même sur l'orgue. Bon, alors Saint-Saëns, il a quand même voulu faire une œuvre qui était basée sur une danse des morts, funèbre, macabre, un peu malsaine, même macabre. Il l'a imité dans sa musique. C'est une construction à la fois de l'esprit et de montrer son immense talent d'imitateur, si vous voulez. Oui, mais alors quand on a les 12 coups de minuit au début, là on a quelque chose qui... C'est comme un film. C'est comme un film, mais faut-il connaître le code pour pouvoir savoir que ça correspond aux 12 cloches? Non, mais on le devine. On le devine. Il faut juger de façon très, très globale quand même. Mais vous savez que Jean-Sébastien Bach, donc moi je joue beaucoup de... Parce que tous les jours je joue, quand je suis chez moi, quand sur mon ordre, des chorales de Jean-Sébastien Bach. La musique religieuse de Jean-Sébastien Bach comporte des clés. Par exemple, vous avez un choral de Jean-Sébastien Bach, Jésus s'est libéré des liens de la mort. Eh bien, à la pédale, vous avez pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Ce sont les liens. C'est concret. Les chorales de Bach, c'est l'inverse d'une chose abstraite. C'est tout ce qu'il y a de concret. Mais c'est un vocabulaire basé sur des faits concrets. Il peut y avoir des situations où le caractère de la musique ne coïncide pas avec l'émotion. Parce qu'il y a toujours ce paradoxe de pouvoir ressentir de grandes joies à l'écoute d'une musique très triste. Oui, mais alors là, il faut partir de la subjectivité. Parce que l'émotion du musicien n'est pas nécessairement l'émotion de l'auditeur. Et l'émotion, le compositeur pense qu'il va y avoir une émotion à cet endroit-là, puis quelquefois ça tombe à plat. Il n'y en a pas. Il y a beaucoup d'œuvres qui sont pompiers, quoi. Hein. Il y a des œuvres qui sont grandiloquentes, qui sont pompiers, et puis ça nous laisse froid. Et à vrai dire, plus il y a de moyens souvent mis en œuvre, et moins ça émeut. Et vous avez des œuvres. Éric Satie, les gynopédies d'Éric Satie, c'est admirable, il n'y a rien pratiquement. Hein. Il y a très peu de choses. Et là, il n'y a pas de programme dans les gymnopédies. Ben non. Alors, gymnopédie, ça veut dire garçon nu, non, c'est ce que ça veut dire. Païdos, ça veut dire garçon, et gymno, ça veut dire nu. Alors, je ne sais pas ce qu'il a voulu dire, je ne sais pas, mais la musique est admirable. Et elle est surtout très novatrice. Hein. Maurice Ravel l'a considérée comme une très grande œuvre. Hein. Je pense que l'émotion est subjective. Alors, ça veut dire que là, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, le plaisir formel de Leonard Biemeyer, ça ne prend pas non plus... Mais attendez, je m'excuse de vous interrompre, excusez-moi. Mais il n'a pas parlé que du plaisir formel, Meyer, il a parlé du plaisir associatif. Beaucoup. Oui, alors on n'a pas précisé ce que c'était le plaisir associatif. Le plaisir associatif, c'est quand vous entendez... Alors, il y a une phrase qui est d'un collègue à moi, malheureux, il est mort, qui était professeur d'horlogie à Angers. Il disait, la musique n'a pas de sens, elle fait sens, elle fait sens. Elle n'a pas de sens en soi, elle fait sens, c'est-à-dire elle fait naître le sens. Quand vous entendez une œuvre, moi, parce que vous avez fait de la musique, vous avez une formation musicien, vous êtes capable de décortiquer, de dire, tiens, voilà le hautbois qui joue, tiens, ça, c'est un allegro, tiens, ça. Mais des gens qui ne sont pas musiciens, ça leur évoque quelque chose, ils se représentent quelque chose. Des fois, c'est complètement à côté. Je vais vous citer un exemple. Il y a ça 20 ans, on va à un concert, et le concert, il y avait l'oncle de ma femme, qui était un monsieur, qui était un fonctionnaire instru, puisqu'il était à la préfecture, tout ça. Un homme qui était cultivé, mais pas du tout musicien. Et la pianiste jouait les papillons de Schumann. Oh, il n'avait pas le programme. Oh, il dit, oui, c'était admirable, je me reprends. Les uns qui envahissaient l'Europe, etc., on les voyait déferler. Elle jouait bien, la pianiste. Complètement à côté, il s'était représenté les papillons de Schumann comme un truc militaire d'une invasion des Huns, des barbares qui arrivent en Europe. Ça donne une autre écoute des papillons de Schumann. Voilà, alors ça c'est une interprétation, c'est un sens qui s'est subjectivement donné. Et alors on pourrait aller loin, c'est parce que sans doute que sa personnalité était plus près des Huns que des papillons de Schumann. Donc ça, c'est un plaisir associatif. Un plaisir associatif. Bernard Lechevalier, on disait avant d'écouter cet extrait des papillons de Schumann qu'on est là dans un plaisir associatif quand on se met à y projeter bien d'autres choses que des papillons, par exemple. Ah, bah, on peut, conquête. Mais là, c'est de la musique à programme. Alors, normalement, Schumann, il a voulu décrire des papillons, etc. Donc, c'est hors sujet d'avoir un plaisir associatif sur une musique à programme ? Ben non, mais il est donné par un mode d'emploi, ce qui est le titre. Mais auquel on a le droit de désobéir. Oh, bah bien sûr. Mais au-delà de la question du droit, est-ce que c'est le même plaisir ? C'est-à-dire, du point de vue neurologique, vous pouvez faire la différence en fonction de ce qui se passe dans le cerveau, entre un plaisir associatif et un plaisir formel ? C'est pas écrit dans les livres, mais je pense qu'un peu quand même. Parce que le plaisir associatif, c'est un plaisir plutôt du plaisir. C'est des régions du plaisir. On revient, si vous voulez, à la dopamine. Tandis que le plaisir formel, il y a quand même une question d'analyse, mais pas de psychanalyse, d'analyse structurelle. L'analyse structurelle, c'est quand même intellectuel, quand même. C'est pas la même chose. C'est moins intuitif. Donc, avec des neuro-imageries, on pourrait faire la différence entre un étudiant du conservatoire et un auditeur qui reste à un niveau associatif d'écoute. Je vais vous citer l'exemple, je crois qu'on le donne là-dedans. Avec maintenant ce qu'on appelle la Resting State IRM, je ne sais pas si vous avez entendu. Non, dites-moi, qu'est-ce que c'est ? La Resting State IRM, vous savez, c'est, alors là on tombe dans la neuroscience. L'IRM fonctionnelle, vous donnez une consigne au sujet, vous lui donnez une consigne. Et grâce à... Vous testez le débit sanguin cérébral par des machines très compliquées. Le débit sanguin cérébral. Supposez que je vous donne comme consigne de dire « ah, ah, ah, ah ». Alors vous dites « ah, ah, ah, ah ». Pendant cette consigne, je vais chercher où est le débit sanguin cérébral qui s'accélère. Ça va me permettre de savoir où est-ce que le site quand vous dites « ah, ah, ah, ah ». Comment est-ce qu'on sait que le débit sanguin cérébral s'accélère ? Parce qu'il y a l'hémoglobine du sang. L'hémoglobine contient du fer. Et comme elle contient du fer, eh bien, il y a une fonction d'aimantation avec les aimants. Donc on peut déceler l'hémoglobine, parce que quand l'hémoglobine est arrivée, elle est déchargée aux neurones, et il reste après de la déoxyhémoglobine. Alors c'est comme ça qu'on fait l'IRM fonctionnel. fonctionnelle. Oui. On peut faire, par exemple, faire des gestes comme ça. Il y a une autre zone du cerveau qui s'active. C'est la consigne. Tandis que la resting state, ça veut dire état de repos. Resting state. La resting state IRM, eh bien, c'est le sujet qui est au repos complet ou qui dort. Et on voit là où il y a de la déoxyhémoglobine, s'il y a de la pensée pendant le sommeil. Alors ça, c'est merveilleux. Et alors, voilà, on a fait des études chez des jeunes élèves du conservatoire de région, hein, 16 et 16, 32. Il y en a 16 qui n'ont fait aucune étude de rien du tout au point de vue musical. Et puis il y en a d'autres qui ont fait au contraire, ils sont devenus des professionnels. Et on a vu qu'au repos, leur cerveau n'était pas du tout le même. Il y avait des réseaux. Parce qu'actuellement, si vous voulez, la neuropsychologie actuelle, elle n'est plus en site, elle est en réseau. Et on organise nous-mêmes nos réseaux. Il n'y a pas deux cerveaux pareils. Chacun a son cerveau. Et tous les jours, ça rejoint un petit peu les existentialistes. Tous les jours, nous modulons notre cerveau à notre façon. Et nous créons nos propres réseaux. Alors, on a vu que pendant le repos, ceux qui font du musicien, les musiciens professionnels activent des zones du cerveau que ceux qui n'en font pas n'activent pas. On a une carte d'identité que nous faisons nous-mêmes. Il y a un compositeur qui semble avoir cumulé les façons de faire plaisir, c'est Beethoven, puisqu'il fait programme en mettant quelques titres à certaines de ses sonates. Oui, mais attention, alors qu'il est dans une élaboration formelle. Ah, oui. Vous avez vu, il n'y a que la pathétique. Et les adieux. Et les adieux. Moi, quand j'étais au conservatoire, on disait alors, c'est on a habillé tout, pas du tout, c'était l'archiduc Rodolphe. Vous avez peut-être lu ça. Oui. Le trio à l'archiduc, c'est le 16e enfant de l'empereur. L'empereur a eu 16 enfants, et le dernier, c'était Rodolphe, qui est devenu cardinal. C'est un élève de Beethoven. Et alors, qu'est-ce que ça fait à l'écoute de cette sonate? Eh ben, moi, je me rappelle, puisque j'étais à la classe de piano, j'ai eu mon prix au piano à Caen, en première année de médecine, et le professeur, qui était un excellent professeur, élève d'Ivnat et tout ça, parfait, il est mort. Et nous, quand on jouait la sonate des adieux, il nous disait, voilà, alors c'est la bien-aimée, tout ça, ben c'était... Il réussissait tellement, cette la musique était tellement géniale que ça devenait quand même une sonate d'adieu, parce que ce soit l'archiduc Rodolphe ou une bien-aimée, c'était, l'adieu n'avait pas de sexe, si vous voulez. Mais Beethoven, il a écrit ça quand les troupes françaises, parce qu'il était anti-français, hein, Beethoven, attention, hein, il n'était pas partisan de l'invasion de l'Autriche et tout ça. Quand ils ont été obligés de quitter l'Autriche pour s'en aller en Moravie, je vois, il a fait quelque chose qui s'appelait les adieux par honneur pour l'empereur d'Autriche. Et voilà. Alors l'autre, c'est la pathétique, à 26 ans, quand on lui a dit qu'il était sourd. Toutes les autres, c'est du bidon, les titres. Toutes les autres, c'est du bidon. Je l'ai expliqué. Alors voici un extrait de la pathétique. Extrait de la sonate dite pathétique donc de Beethoven, interprétée par François-Frédéric Guy. Bernard le Chevalier, on entend qu'il n'entend plus. Moi, j'ai joué le pathétique à un examen. de finale surtout, sol, do, ré, mi, fa, ré, mi, do, ré, do, do, do, do. Elle est très... Moi, je ne savais pas. Hein, quand j'étais au conservatoire, je connaissais pas. Au moment où vous la jouiez, oui. Mais elle est... Le tragique du final de la pathétique, il est exprimé avec une extrême simplicité. Extrême simplicité. C'est très polyphone, c'est très contrapuntique, c'est très mélodique et c'est pourtant très pathétique. On voit bien que c'est un homme jeune qui écrit ça, tout ça. Par contre, le début, c'est le premier mouvement de la pathétique, c'est vraiment des accords dramatiques. Hein, ouais. Oui. Les symphonies de Beethoven et les sonates de Beethoven, c'est l'association idéale entre la forme et tout ce qu'on y voit. C'est ça qui est génial. Parmi les composés... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il a mis tout ça en audition interne. Hein. Le chant interne, toute son œuvre, il était sourd comme un pot, et toute son œuvre, elle est en chant interne. Hein. Elle est en chant interne. Alors, ça, c'est... Il y a quelqu'un que je cite toujours, c'est le professeur de violoncelle de Boulogne, M. Gagnebin, qui a remis à l'honneur le chant interne. Et on a tous le chant interne, sauf des gens qui ne sont pas du tout musiciens. Et... grâce au chant interne, Beethoven, il entendait tout dans sa tête, alors qu'il n'entendait rien de ce qui se passait à l'extérieur. Rien du tout, rien du tout. Vous êtes aussi l'auteur du cerveau de Mozart. Oui. Pourquoi Mozart et... Alors je... Parce qu'on parle beaucoup d'un cerveau qui serait vraiment hors du commun. Quelle oui. trace on a de je ça pense que, oui. Je pense que c'est très difficile quand on parle de musique, il ne faut surtout pas partir de Mozart. D'abord, premièrement, c'est un livre que j'ai fait parce qu'on m'a demandé de faire ce livre. Et que, je pense que Mozart, c'est comme si vous parliez, je ne sais pas, de Léonard de Vinci, quoi, ou de Michel-Ange. C'est un être tout à fait exceptionnel. On ne peut pas tirer parti des données et des capacités de Mozart pour dire que la musique, c'est comme ça que ça se passe. C'est exceptionnel. Il faisait de la musique comme il écrivait. Il écrivait, quand il écrivait, il disait, c'est comme si j'écrivais, quand on envoyait une lettre, il ne faisait pas de rature, il faisait pas de brouillon, il écrivait tout directement. C'est le comble, c'est le plus grand génie de la musique, sûrement plus que Beethoven, qui avait des carnets, qui bossait, qui travaillait, qui revoyait ces choses. Mozart, c'était intuitif. Sauf les quatuors dédiés à Joseph Haydn, quand même, il a dit, c'est comme mes six filles, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Les dissonances, c'est très travaillé, vous connaissez les quatuors des dissonances, c'est très travaillé. Et, oui. Et pourquoi est-ce que ces fameux mouvements lents des concertos pour piano sont tellement importants pour vous? Parce que je trouve que ce qui est le plus beau, c'est ce qui est le plus dénudé. Parce que là, l'auteur, il a rien. Quand vous entendez ces concertos qui sont si admirables, et les sonates, elles sont dépouillées, c'est comme un trait dans Matisse, le peintre Matisse, toc, toc, toc, toc, vous avez un trait là, puis il a peut-être fait plusieurs Matisse pour réussir, mais c'est bien plus éprouvant que des choses où il y a du temps de peinture, du machin, tout. C'est plus c'est simple, et plus c'est simple quand c'est beau, et plus c'est beau, il me semble. Et c'est assez haut dans les playlists de musicothérapie. Ah, oh, la musicothérapie, là, vous entendez autre chose. Qu'est-ce que vous voulez me demander sur la musicothérapie? Non, mais précisément, pourquoi les adagios des concertos pour piano de Mozart cristallisent justement quelque chose? Eh bien, je pense que... Je comprends votre question. Je pense que c'est parce que c'est lent, premièrement. Alors, c'est lent, on écoute plus. Parce qu'un mouvement rapide, on est pris par le rythme comme quand on est pris comme dans une salle de bal. Un mouvement rapide, c'est le rythme qui vous entraîne. Le mouvement lent... Vous êtes pris, non pas par le rythme, par la vitesse, mais par ce qui va venir. Parce que c'est une mélodie, il faut savoir où elle va aller. Vous l'écoutez avec plus d'attention. Plus c'est doux et plus c'est lent et plus vous écoutez. Et plus c'est fort et plus c'est rapide, plus vous subissez. Donc ça veut dire qu'il y a tellement de place pour l'anticipation que ça va donner du plaisir formel à plus de monde? Oui. Oui. Et puis je trouve que, oui, plus on est musicien... Ben c'est aussi plus on vieillit, plus on aime la musique un peu contemplative, c'est ça. Ah bon? Il me semble, oui. Il me semble. Parce que les flonflons, bon, alors c'est bien, ben Stravinsky, j'aime beaucoup Stravinsky, ben une fois qu'on a entendu, bon, l'affect que ça produit, c'est dynamique, c'est tout ça, mais il en reste moins de choses que Bach ou Mozart. Vous pensez qu'Offenbach, alors, c'est de la musique de jeunes? Oui, ou alors, c'est de la musique de vieux qui connaît rien à la musique. Offenbach? Oui. Ah ben c'est de la musique de vieille personne qui ne connaît rien à la musique, quoi. Ça a l'air vigoureux. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est comme si on mangeait du piment. Avec Bernard Mercier, Bernard Le Chevalier, vous travaillez sur, un cas neurologique qui est le compositeur Maurice Ravel. Oui. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Eh bien, on peut en dire d'abord, si on parle de la façon neurologique, on pourrait diviser la réponse en deux parties, la partie neurologique et la partie musicale. La partie neurologique, il faut bien dire que Maurice Ravel n'a pas eu de chance. Il a eu une maladie rarissime et qui était considérée à tort. C'est comme une autre maladie, c'est pas du tout une maladie d'Alzheimer. Et ce qu'il faut surtout dire, c'est qu'il n'était pas du tout dément, et qu'il n'avait pas du tout perdu le sens de la musique, mais que cette maladie l'empêchait d'écrire, lui donnait des troubles du langage, des troubles de l'expression, et surtout des impossibilités de lire et d'écrire de la musique, mais aussi de se servir de ses mains dans les gestes. Il avait ce qu'on appelle une apraxie, c'est-à-dire que, par exemple, il avait été remarqué qu'il ne savait pas se servir d'une fourchette. Il avait envoyé des cailloux dans le visage de quelqu'un en voulant lui apprendre à faire des ricochets. Il a failli se noyer parce qu'il ne savait plus nager. Et la perte de ce geste fait partie de sa maladie. Donc c'était des problèmes davantage moteurs que cognitifs ? C'était pas cognitif du tout, c'était une maladie, tout ce qu'il y a d'organique, etc. Alors, cette maladie-là, elle était considérée à tort comme beaucoup de choses, parce qu'on ne connaissait pas ce genre de maladie, et ça a été, si vous voulez, connu plus récemment, parce qu'on a retrouvé une autre maladie qui s'appelait maladie de Pique. Et alors surtout, moi j'ai été élève de M. Alajouanine, qui était un grand neurologue français, et M. Alajouanine a soigné Ravel pendant 2 ans. Alors avec Baruch, qui était aussi un grand psychiatre, ils ont fait l'examen de Ravel, et tout ça a été écrit. Je savais que c'était écrit, que c'était quelque part. Et j'ai fait une espèce d'enquête, et j'ai su que c'était la veuve d'un de mes amis, qui était l'exécuteur testamentaire de M. Alajouanine, qui possédait ce document. Je l'ai convaincu de faire le legs à l'Académie de médecine de ce document fondamental, qui est l'examen de Maurice Ravel fait par deux grands neurologues, M. Alajouanine et M. Baruch. Et c'est à partir de cela qu'on a reconstitué cela et que j'ai présenté ça à l'Académie de médecine sous forme d'une présentation qui s'appelait la maladie de Maurice Ravel. Alors cette maladie de Maurice Ravel, c'est une atrophie dégénérative localisée du cerveau de l'hémisphère gauche. Et quelles sont les conséquences musicales alors de cette pathologie ? Les conséquences musicales, c'est qu'il était incapable de jouer du piano. Et puis même d'écrire les notes sur une partition. Agraphie, ça s'appelle. Agraphie, alexie. Alexie, impossibilité de lire. Et apraxie, impossibilité de faire des gestes. Et aphasie, impossibilité de parler. Il était muré complètement. Alors à tel point que les dernières œuvres, il les a dictées. La chanson de Don Quichotte à Dulciné, que je ne connais pas du reste. Ça a été dicté, je crois que c'était à Manuel Rosenthal. Mais il les avait dans sa tête. Et ça a commencé très tôt. Ça a commencé en 1900. Je suis allé, j'ai fait une enquête sur des lettres, des premières lettres. Et j'ai découvert, c'est un antiquaire de lettres, ça s'appelle. Hein. Ils ont été très sympas. Ils m'ont montré 2 lettres où il y a plein de ratures, plein de gribouillis. En 1927-28. C'est-à-dire qu'au moment où il compose le boléro, en 1928, il était déjà malade. Ouais. Il avait déjà des troubles, oui. Mais enfin, le boléro, ce n'est pas une œuvre pathologique, parce qu'au moment, moi, ce que j'admire le plus, c'est la concerto pour la main gauche. Concerto pour la main gauche, c'est fantastique, c'est aussi beau qu'une symphonie de Beethoven. Vous avez un développement dans le plaisir de la musique sur les deux concertos qu'il compose exactement en même temps. Ah oui. Le concerto pour la gauche et le concerto en sol. Ah oui. J'ai fait une analyse, parce que j'ai fait une analyse du concerto pour la main sur la partition d'orchestre à Bibliothèque nationale, le rayon de musique rue de Valois. C'est comme si vous regardiez les plans du château de Versailles. C'est-à-dire que vous découvrez vraiment toute l'invention, le travail intellectuel qu'il a fait. Alors là je ne suis pas d'accord avec quelqu'un de très éminent, c'est le biographe de Ravel, Marna. Oui. Je ne suis pas d'accord parce que Ravel n'a pas voulu décrire des mitrailles, des rats, des os et tout ça. C'est des sentiments, ce ne sont pas des choses concrètes, ce sont des sentiments. Donc pour vous, là, il n'y a pas de figuralisme ? Il y a de l'évocation. Mais c'est pas de l'imitation servile, c'est de l'évocation. Et c'était étonnant parce que je vous dis ça, je ne devrais pas vous le dire parce que c'est pas me vanter, mais j'ai des amis des gens de l'Académie qui ont lu mon livre, et la plupart ont été émus. C'est assez étonnant, ils ont été émus de la description que j'ai fait du concerto pour la main gauche. Ils l'ont acheté, ils ne le connaissaient pas. Ils ont été émus par la description. Comme quoi, vous êtes un révélateur. Mais non, pas parce que ça prouve que j'ai ressenti beaucoup d'émotions en l'entendant. Je trouve que c'est admirable. Ouais, ça se sent en vous lisant, oui. Ça sent, ouais. Ouais, c'est ça. Eh bien, merci beaucoup, bon. Bernard Le Chevalier. Voilà. Très bien, je vous remercie de votre attention. Thank you.